On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, que je vous fais chier, mais c'est vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm the gun, I bet you know me. Yo! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai eu de pêche, les gars. Wouh! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur ontherocks.net en direct, et puis en rediffusion sur Studio Zef à Blois. Ce soir, une émission un peu spéciale où nous allons évoquer le festival Hop Hop Hop qui se tiendra à Orléans dans divers endroits. Nous en reparlerons du vendredi 16 septembre au samedi 17 septembre. Ça commence à partir de 17h30 le vendredi et ça se finit le samedi à plus d'heures. On va décortiquer tout ça avec le programmateur Mathieu Dufour. Tout d'abord, le coup de cœur de l'émission. Le coup de cœur de l'émission, on croit forcément qu'on a toutes les cartes en main, qu'on maîtrise absolument notre destinée. Et puis un jour, on invite quelqu'un dans les studios pour venir parler d'une exposition BD rock'n'roll. Il s'appelle Christophe Arrondeau. Il officie sur Roxette à Blois. Et puis, eh bien, voilà, il nous dit, tiens, tu devrais écouter quand même The Mercurials. Note-le quand même, note-le, parce que tu vas l'oublier. De toute façon, t'écoutes jamais ce que je te dis d'écouter. Vu qu'il est plus costaud que moi, eh ben je note et je cours dessus et j'écoute. Eh bien, c'est le coup de cœur ce soir, The Mercurials. C'est une nouveauté donc, avec d'un côté le chanteur des Fizzy Box qui s'amuse avec des side projects, et de l'autre Lisa Kekaola, la Lisa des Bell Rays et de Lisa and the Lips. Eh bien, ils se sont accoquinés pour ce duo de ska tranquille, de ska festif, pas si éloigné dans l'esprit du grand Toots and the Metals. Et bah voilà, ça nous donne un morceau vraiment sympathique, ça s'appelle Hey Girl, c'est le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Et puis après, on décortira, non, il y aura un petit rétroviseur aussi, puisque l'émission a 30 ans cette saison, mais oui, l'émission a 30 ans, je sais, je ne fais pas mon âge. Eh bien, nous décortiquerons également, nous regarderons dans le rétroviseur pour un petit souvenir, ça sera ça toutes les semaines, un petit souvenir des 30 ans de l'émission, avec une petite archive pas piquée des hannetons. Mais voici le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Ça s'appelle The Mercurials. Donc c'est dédié à Christophe Arrondeau, forcément. Lisa Kekaola vient chanter. Hey girl, c'est maintenant. I don't wanna be with you. assez réjouissant dans The Rocks à l'instant, c'était l'hymne des cœurs isolés au centre de la Friend Zone. C'était donc Miss Kareem Miss avec le morceau Best Friend, et un morceau où il y a des chalala et des sifflotis et des cœurs brisés. Forcément, moi, ça me plaît beaucoup. Très, très jolie petite nouveauté. Et puis, juste avant, c'était Merci Christophe The Mercurials avec Lisa des Bell Rays avec Hey Girl. Dans The Rocks, vous savez, on a 30 ans cette année. C'est un anniversaire. Donc, ben voilà, on va fêter cet anniversaire en toute l'année, toute la saison, en se replongeant dans des petits souvenirs de ce qui me reste de mon cerveau en marmelade, de cette émission qui a donc 30 ans. Je l'ai commencé à 20, j'en ai 50 aujourd'hui. Et voilà, fidèle au poste et pas mal de petites rencontres et de belles anecdotes à raconter. Eh bien, on va plonger vraiment là dans le passé, puisque au moment de cette petite interview et de cette petite anecdote, j'avais 26 ans. J'ai eu 30 ans. Radio Show depuis 1992. Je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock on, motherfuckers, On The Rocks. Là, derrière ma voix, il y a une version un peu particulière, enregistrée avec un orchestre à cordes, d'un de mes morceaux préférés, d'un de mes groupes préférés. C'est le Better Man de Pearl Jam. Eh bien, on en reparlera. Mais ce n'est pas Pearl Jam que j'ai interviewé. Malheureusement, ça ne m'est pas arrivé en 30 ans. Mais par contre, un groupe, on est en 1996, il y a un festival que je couvre pour la première fois, ça m'arrivera une autre fois dans l'histoire d'On The Rock, ça s'appelle les Escales à Saint-Nazaire, les Escales débutantes. Autrefois, dans les Escales, il y avait vraiment un thème, c'était soit la Méditerranée, soit... voilà. Et là, c'était l'Irlande. Et donc, 1996, je me balade un petit peu... Et je tombe sur un concert le soir d'un groupe que je ne connais pas qui s'appelle The Frames, qui a sorti un album qui est passé totalement inaperçu et qui vient d'en sortir un deuxième. Je ne les connais pas et je me dis je vais aller les voir sur scène. Et j'assiste au concert et je me prends un uppercut comme rarement j'ai pris en 30 ans d'émission. Un concert absolument fabuleux, à la fois qui invoque à la fois l'énergie et... de groupes comme les Clash ou les Pixies, mais également l'émotion de Van Morrison. Il y a l'Irlande, bien sûr, là-dedans, mais il y a bien plus que l'Irlande. Il y a du violon, mais il y a de la guitare. Il y a surtout une joie de jouer. Il y a un peu de Pearl Jam aussi, effectivement. Et le groupe est formidable, et surtout le leader de ce groupe, un grand rouquin qui a l'air très sympathique, est vraiment, vraiment génial. Alors, je me dis... voilà, bah, il repasse demain soir en concert et je vais essayer de décrocher une interview. Alors, je ne sais plus comment je me suis débrouillé, mais il jouait deux fois en concert et c'est la première fois de ma vie et la seule fois, je crois, où j'ai vu le même groupe deux soirs de suite sur scène. Et je me balade un petit peu encore, un peu groggy par ce que je viens de vivre. Et il diffuse un film sur un écran géant, un film qui parle de l'Irlande, Les Commitments, d'Alan Parker, réalisateur d'Angel Heart et de Midnight Express et de plein d'autres perles qui m'ont, Birdie, qui m'ont enchanté pendant mon adolescence. Et là, il y a dans ce film, qui est l'histoire d'un groupe de rhythm and blues qui se compose en Irlande, il y a un jeune guitariste rouquin qui ressemble étrangement à l'autre guitariste un peu plus épais que je viens de voir, chanteur. Incroyable, c'est le même. Et oui, c'est lui. Il s'appelle Glenn Hansard. Il a joué ce petit rôle dans les Commitments. Et puis, il est à la tête de ce groupe, les Frames. Alors, le lendemain, je retourne le voir en concert. Je me reprends la même claque, absolument fabuleuse. Et donc, je l'interviewe. À la sortie, je tombe sur un type absolument charmant, voilà, le cœur sur la main, ce genre de personnage où immédiatement on se sent bien avec lui et on a envie de parler très longtemps avec lui. Et puis on évoque tous les deux dans l'interview Pearl Jam, puisqu'il dédie un morceau à Pearl Jam sur scène ce soir-là. Et donc il me dit qu'il est un grand fan de Pearl Jam, il me parle de Pearl Jam comme un groupe dont il est fan comme moi. Donc là, on est à peu près à égalité sur ce plan-là. Et donc quelques années plus tard, Glenn Hansard, qui a fait une belle carrière solo, non seulement est pote avec Bruce Springsteen, mais est devenu peut-être le ou l'un des tout meilleurs amis d'Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam. Ils ont enregistré des albums ensemble, ils ont fait des tournées ensemble, donc ils sont vraiment assez inséparables. Voilà, à l'époque où moi je l'ai interviewé, il ne connaissait pas Eddie Vedder personnellement, il ne connaissait pas Pearl Jam personnellement, mais il aimait leur musique comme moi. Et depuis, il est devenu un de leurs meilleurs amis qui enregistre avec eux et qui tourne avec Eddie Vedder. Donc c'est assez émouvant de se repasser cette petite archive. À noter que que j'avais eu un petit problème de magnéto ce soir-là. J'avais pas l'annonce où il me disait c'est Glenn Hansard sur On the Rocks. Je lui avais demandé s'il pouvait me la renvoyer. Il m'avait envoyé une grande lettre d'Irlande avec cette petite annonce qu'il avait réenregistrée chez lui. Et donc absolument charmant, il y a cette petite lettre où il me dit que il avait joué ce soir-là à Saint-Nazaire devant le plus grand public devant lequel il n'avait jamais joué avec les Frames. Depuis, il remplit des stades. Et voilà, je suis assez fier de l'avoir approché à ce moment-là. Un grand, grand monsieur. Je vous conseille vraiment tous ses albums solo et puis les albums des Frames où il y a des choses bien belles aussi. C'est lui également qui joue le rôle principal dans le film Once, qui a eu un beau succès. Et bien voilà, donc ce morceau des Frames qu'on se passe, ça s'appelle Revelate, qui est pour moi leur chef-d'œuvre et leur morceau summum qu'ils ont joué donc ce soir-là et le soir précédent, et qui m'a décalqué les deux soirs avec une énergie sur ce morceau que je n'oublierai jamais. Un petit tour dans le rétro, voici Glenn Hansard qui parle de Pearl Jam à mon micro alors qu'il ne connaissait pas encore personnellement Eddie Vedder. Hier sur scène, vous avez dédié un morceau à Pearl Jam. Je suis un grand fan de Pearl Jam. Pourquoi cette dédicace? Ouais, moi aussi, j'imagine toujours que Pearl Jam est un de ces groupes qui vieillira et continuera de jouer jusqu'à la fin. Je les ai vus plusieurs fois. Le jeu de scène d'Eddie et Vedder, très posé mais si intense, comme si tout venait directement de son âme. J'aime le caractère réaliste de ses textes. C'est une bête de scène. C'est un héros. But it's all from the soul. Exactly. It's all for real. Do you know what I mean? You get the impression that they're coming from somewhere very real. And that blows me away, you know. And so as a frontman, as a performer, he would be a big hero of mine. So it was very important to me. Yeah. C'était les Irlandais des Frames avec Revelate, tiré de leur meilleur album, celui de 1996. Et c'était un petit coup de rétro, encore un coup de rétro la semaine prochaine. Et la semaine prochaine dans The Rocks, interview de Little Bob enregistré à Blois. C'était pendant l'été et c'était à la Guinguette. Là, on reparle d'un concert, mais un concert qui n'a pas encore eu lieu, et des concerts qui n'ont pas encore eu lieu. Ce seront des concerts qui se tiendront à Orléans vendredi prochain et samedi prochain. C'est le festival Hop Hop Hop. Ça y est, ça revient et on est quand même super ravis. La salle de l'Institut, 350 places. Le Campo Santo, 3000 places. Le Jardin de l'Évêché, 1800 places. Et la scène nationale, Barreau, 500 places avec la scène Vitesse, 212 places. Ça va vraiment être un beau week-end et on va le décortiquer pas plus tard que maintenant avec celui qui en a assuré, comme d'habitude, la programmation. Il s'appelle Mathieu Dufaux. D'habitude, il est là dans les studios, mais là, il est pris, je crois qu'il est à FIP. Enfin, en tout cas, il est bien pris pour la promo de ce Hop Hop Hop. Donc, il m'a accordé une petite interview en différé. Elle a été enregistrée juste avant la rentrée. C'était fin août. C'était dans les locaux de l'Astrolabe. Et on y va maintenant. Si certains sont encore en train de se bronzer la pilule, ici dans les locaux de l'Astrolabe, ça bosse à mort. Puisque le vendredi 16 et le samedi 17 septembre prochain va avoir lieu Hop Hop Hop. On attend tout ça avec impatience et je suis avec Mathieu Dufaux ici qui est vautré sur un canapé en cuir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. On se dit bonsoir, mais en fait c'est l'après-midi, mais comme c'est du différé, on fait croire. Toi tu bosses, hein, c'est moins qu'on puisse dire, parce que Hop Hop Hop ça arrive et... Imaginons que voilà un étudiant qui arrive dans cette bonne ville d'Orléans en septembre, qui ne connaît rien du tout, ou quelqu'un, un hibernatus qui sort de cryogénisation. Est-ce que tu pourrais en deux mots expliquer ce que c'est que Hop Hop Hop ? Quelqu'un qui ne connaît pas Orléans et qui ne connaît pas et qui débarque, c'est l'occasion de découvrir Orléans puisque c'est en plein cœur du centre-ville, avec des lieux assez emblématiques de la ville d'Orléans, non loin de la rue Bourgogne, qui peut être pratique pour un étudiant qui découvre Orléans. Et qui plus est, si l'étudiant aime la musique, c'est un endroit où on écoute de la musique. Trêve de plaisanterie, c'est surtout un lieu qui rassemble une quarantaine de groupes dans des lieux vraiment emblématiques, décorés par deux collectifs de déco, où on découvre de la musique parce que c'est vraiment de l'émergence. Et c'est l'excitation de passer de lieu en lieu, dans l'hypercentre, tout en pouvant faire des pauses dans la rue Bourgogne ou ailleurs pour se reposer les oreilles ou faire autre chose. C'est une manière de découvrir Orléans. C'est une manière aussi de découvrir plein de groupes de musique. Il y a aussi également des brunchs sur la Loire. Donc c'est emblématique d'Orléans. Et c'est pour un étudiant, c'est découvrir le ponton, tous ces à côté de ce quartier-là qui sont plutôt chouettes. On va balayer cette programmation comme on le fait d'habitude dans les studios. Là, c'est en différé, mais enregistré fin août. Il y a des nouveautés dans les lieux par rapport à la dernière fois, puisqu'il y a des retours. Il y a le retour du théâtre, qui est le quatrième lieu par rapport aux trois lieux précédents en 2020 et 2021. Petit bref résumé de l'histoire, c'est que Hop Hop Hop est né avec 5 lieux. On en a supprimé 2 à cause du Covid et des confinements et des distanciations physiques. Donc on a conservé 2 lieux et on en a rajouté 1. C'est pas très, du tout clair quand on connaît pas Orléans. Et là on a rajouté un quatrième lieu qui est le théâtre, qui est un lieu un peu emblématique parce qu'on utilise le théâtre pas comme on l'a l'habitude de le voir à Orléans, c'est-à-dire sur des sièges assis en train de contempler de la musique, du théâtre, de la danse. On n'a pas vu sur les sièges assis, on rentre par l'accès décor. C'est l'envers du décor et dans lequel on met sur un plateau en fait une scène, 400 personnes, 500 même. Et puis la petite cour qui est réservée aux poids lourds, là c'est un endroit où les gens peuvent manger, boire un verre, discuter et accéder. Et l'articulation du festival, faut savoir qu'on peut passer de lieu en lieu avec le même billet, ce qui permet d'avoir une liberté d'action, de choix, de se faire, d'avoir un programme et de pas le respecter parce que son pote a prévu autre chose, etc. Donc on a une envie de frites. Alors il y a une nouveauté aussi, c'est le Hop Hop Off. Ouais. Alors déjà, j'aimerais savoir qui a trouvé ce nom. Est-ce que c'est encore Fred? Fred est assez coutumier de ce genre de nom. Alors je ne sais pas si c'est lui l'auteur, mais en tout cas, Hop Hop Off n'est pas nouveau parce qu'il existait déjà depuis quelques années. Ouais. Hop Hop Off, il s'est créé quand on a fait les premières euh, les premières déambulations participatives, les spectacles participatifs sur le parvis de la cathédrale. Il a été associé aussi quand il y a eu les brunchs à la Sardine, maintenant qui s'appelle le Ponton, et puis plein d'autres propositions selon les années, quoi. Alors on va se balayer la programmation avec un filtre que tu connais bien, c'est ma totale subjectivité. Hein, t'es d'accord ? De toute façon, tu vas pas me changer. On va commencer avec le vendredi, puisque c'est du vendredi 16 au samedi 17, donc deux jours de concerts à découvrir dans différents lieux, avec ce qui est peut-être pour moi le coup de cœur de ce pop-up, enfin un des coups de cœur, mais alors vraiment eux je les attends. Elles en particulier, ils viennent d'Amsterdam. C'est frais, c'est dynamique. Si vous avez un peu le blues de la rentrée, là, allez-y, vous allez ressortir avec une patate d'enfer. Ça s'appelle Pip Bloom. Ouais, alors ça, c'est vraiment un coup de cœur partagé. Et puis à la fois, je les ai vus en live. J'ai eu la chance de les voir en live à Brighton, au festival Great Escape, en 2019. Et je voulais déjà les faire venir en 2020-2021. Et c'est un coup de cœur parce que c'est à la fois la musique que j'écoutais il y a très longtemps, qui rassemble des groupes comme Salade, comme Elastica, comme Veruca Salt, tous ces groupes de femmes de fin des années 90, début 2000 et voire un peu plus, mais fait par des femmes qui sont qui ont 25 ans et qui le font avec leur... elles le disent elles-mêmes, hein, y en a une dont j'ai lu l'interview, elles ont baigné dans cet univers-là avec leurs parents, certains dont les parents étaient musiciens ou musiciennes, et donc elles ont digéré ça, elles l'ont digéré à la fois dans les 10 vraiment très très bien, et puis à la fois sur scène tu l'as très bien dit, c'est frais, c'est tonique quand même, c'est rock, voilà, et ça fait du bien, quoi, c'est vraiment chouette, et moi j'aime bien ce retour en arrière mais avec cette dose de jouvence en fait c'est vraiment un des coups de cœur partagés sur la prog, ouais. Et je vous conseille également les albums, parce que des fois c'est bien sur scène, mais sur album c'est un peu moins bien. Là, je pense que c'est, je les ai jamais vus sur scène, mais je pense que c'est bien. Et sur album, c'est vraiment très bien. Ça sera dans les Jardins de l'Évêché à 20h15, de 20h15 à 21h15 le vendredi. Il n'y a pas trop de risque que vous cassiez le nez, parce qu'à l'Évêché, il y a assez de place pour tout le monde, comme le Campo. Globalement, il y a sur ces deux scènes-là, on a fait l'expérimentation l'année dernière, il y a deux ans. Il y a eu peut-être trois minutes d'attente, mais rien à voir avec ce que vous avez pu connaître au centre chorégraphique il y a 3-4 ans. Ouais. Ouais. Donc c'est frais, c'est énergique et vraiment ça vaut le coup, je vous conseille, ça s'appelle Pip Bloom. Keep tirée de leur dernier album, c'était Keep It Together. C'est mes chouchous du festival Hop Hop Hop à venir. C'était Piep Blom. Nous venons d'Amsterdam. Il y aura une interview on the rocks de Piep Blom. Et puis, il n'y aura pas que cela. On continue de décortiquer la programmation avec Mathieu Dufault. On reste au vendredi, alors avec un artiste qui m'intrigue, c'est Las. Ouais, alors Las, moi je l'ai. Las, c'est un artiste africain qui a fait récemment des titres dont j'aime bien la production, qui est une production qui me fait penser à d'autres artistes sénégalais que j'ai pu rencontrer, mais qui étaient restés au Sénégal. Il y a une prod à la fois, il y a cette il y a comment cette énergie qu'il a dans sa voix, dans les productions. Il y a une production aussi moderne en fait. Pour le coup, moi, je l'ai jamais vu en live, mais j'ai eu un coup de cœur sur les titres. C'est à la fois chaloupé, dansant, mais avec des instruments, mais aussi un peu de musique produite en fait. Donc, il y a un mélange de tout ça. Les retours que j'ai eus de personnes qui les avaient vus en concert et puis d'autres personnes qui les ont mis en avant sur une fédération de concerts dans lequel on appartient m'en ont dit plus grand bien quoi. C'est vraiment un mec dynamique et ses musiciens, musiciennes également. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil. À chaque fois au pop-up, on essaye d'avoir de la place pour généralement. On a du rock, on a l'électro, mais on peut avoir la rumba congolaise, on peut avoir des kononos, on peut avoir des choses comme ça. Et on tient vraiment à ce mélange de genres parce que c'est ce qui nous anime. Et on n'est pas un festival à proprement dit que rock. Donc quand on a l'opportunité d'avoir du rap et tout ça, d'avoir un peu ce puzzle là, c'est bien. Alors parfois c'est plus ou moins réussi en termes d'équité entre les styles, mais voilà, là j'aime beaucoup la production discographique, en tout cas de ce que j'ai entendu de Las, et j'ai hâte de voir ça sur scène. Alors si tu as hâte de voir ça, Mathieu, il faudra être au Campo Santo, donc c'est 18h15, c'est lui qui ouvre. 18h15, 19h, ce sera le vendredi, et qui n'a pas vu Mathieu danser la rumba congolaise n'a rien vu. Il annonce beaucoup plus facilement plus tard dans la soirée. On en reparlera. Jeff Chubarti, Mani Aiborom, Funula Jude Mani Moyaro, Ahale Bile Mani Moyaro, Funula Jude Mani Moyaro, Ahale Bile Mani Moyaro, Ale bile mane moyaro. face à l'instant, alors, par mon esprit de contradiction, alors que Mathieu Dufault, programmateur d'Opopop, nous disait que là, c'était plutôt un petit peu produit. C'est vrai que les autres morceaux sont très très produits, mais là, c'est un de ses tubes qui s'appelle Mo Yaro. Il en a enregistré une version acoustique, c'est celle que je préfère, et donc c'est celle que je viens de vous diffuser. Il jouera, lui, également le vendredi à Opopop à Orléans, et puis il y aura Nadine Khoury. Alors, je suis absolument effondré, puisque j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je vais réaliser l'interview de Pete Bloom. Alors ça, c'est un vrai plaisir. Mais voilà, ça a été calé pile poil pendant le set de Nadine Khoury que je voulais vraiment voir. Donc c'est un cas de conscience, mais c'est comme ça. C'est les aléas du rock'n'roll. Voici donc la suite de la programmation du Festival au Pop-Up. Et on parle justement de la merveilleuse et fantastique Nadine Khoury. Autre énorme coup de cœur pour moi, le vendredi, décidément, ça va être vraiment ma journée. C'est Nadine Khoury, anglaise. Absolument magnifique. Enfin, tu vas nous en parler mieux que moi, mais un mélange de musique un peu orientale. Enfin, orientale, ça veut rien dire. Un peu à la Natasha Atlas, on va dire, sur certains morceaux. Et puis très folk par d'autres. Et chante en anglais. Vraiment, pour moi, un mélange parfait, quoi. Une voix assez envoûtante. Alors moi, je suis en constante relation avec un label bordelais dont je parle souvent sur ton émission, mais qui est Alitre Records, qui est un label mené par Sean Bouchard, qui est un mec vraiment doué, qui découvre plein d'artistes, et en l'occurrence, c'est lui qui m'a fait découvrir cet artiste-là bien avant au Pop-Up. On était en cours de programmation. Elle venait de sortir un album en 2017. J'ai eu la chance d'écouter le nouvel album. Il ressemble plus à de la folk qu'à ce que tu disais. Voilà. C'est un trio. Elle est anglo-libanaise, mais elle habite maintenant en France, dans le sud de la France. Elle vient de s'installer. Et effectivement, c'est une super belle voix. C'est assez feutré. C'est une très très belle ambiance. Dans l'écrin de l'Institut, c'est ce genre de groupe que moi je recherche notamment dans ce lieu-là. Je suis assez friand de ce genre de groupe et ce genre de voix. J'ai vraiment une attention sur toutes ces femmes ou ces hommes qui peuvent chanter comme ça et qui ont des voix. Et, comme on a pu il y a très longtemps voir à l'Astrolabe et la Diane, mais d'autres. Camino à l'Institut à Opopop. Ou à Aldous Harding au club, voilà. Et l'album, moi, il m'a vraiment scotché, et donc j'y suis allé les yeux fermés, et l'album sortira après au Pop-Up. J'ai dit c'est pas grave, on y va, et voilà, ça va être comme toi, je vais la découvrir sur scène aussi également, voilà. Ça sera à la salle de l'Institut, 19h15, 20h, donc Nadine Khoury, allez-y, vraiment, c'est absolument magnifique. I leave myself behind. Through you I shed all my shackles to the floor. Through you I sorrow in a bottle into the sea. ran through the dark to the beat of my heart. The branches, black streaks against the sky. I remember the promise you never spoke. Never crossed the lips that I barely brushed with mine. Only you inside, I paced through the night. Further I advanced, I couldn't glance behind me. I remember us lost and white in a blanket of light. Mirror up to my glare, inside a reflection you held me there. And forgotten all the seasons change. Hung all my days upon the loneliest name. I remember the love that you never gave. Was written in crimson all across my face. In your house of ice with my plate of embers. The winding staircase, the lustrous chamber. Do you remember how long did I sit till you find me here? Did you call my name when I disappear? Cause I will disappear. The courage now, the season's gone. Remember it like a long lost song. The beat of my heart. The stars rustled overhead. And though I never won your love, as it turned out, the path led me to my truest self. Voix à l'instant de cette chanteuse qui sera sur la scène de l'Institut, c'est, ça sera vendredi. Elle s'appelle Nadine Khoury. Allez-y, c'était Through You I Awaken, enchaîné avec I Run Through the Dark. Alors c'est vrai que la tonalité de l'album est plutôt comme le deuxième morceau, mais c'est vrai que les petites tonalités arabisantes du premier morceau, moi, m'ont fait fondre également. On est à l'Institut, on est au Festival au Pop-Up, eh bien, on va y rester avec la suite de la programmation, éclairée pour nous par le programmateur en chef, c'est-à-dire Mathieu Dufaux, et interview donc de Pip Blom à venir, mais d'autres interviews aussi. C'est parti. On reste à l'Institut, Gaspard Claus. 21h, 22h, une heure pour convaincre. Alors ça m'a aussi interpellé dans un autre style. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Gaspard Claus, c'est un très très grand violoncelliste pour les projets plus proches de nos musiques. Il joue avec Vacarme, qui est un quatuor qui rassemble notamment Carla Pallone, qui est la violoniste de Mansitia, plus deux autres cordes. Il joue sur la musique contemporaine, il peut faire de la musique improvisée, il est dans des ensembles classiques. C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Il a plein de projets différents. Et là, c'est son vraiment projet solo qui vient de sortir. Moi, j'aimerais en faire davantage dans pop-up, dans cette salle, ce genre de projet qui a la ligne, à la lisière de la musique classique, de la musique contemporaine, ou voir la musique un peu dissonante ou la musique improvisée, parce que je trouve que la salle, et dans ce festival, on peut se permettre ça. Difficile de faire ça au Campo Santo, difficile de faire ça dans les grandes scènes. Et puis, quelle que soit l'heure, l'Institut, dès que tu arrives à l'Institut, tu t'assois et tu contemples et tu es dans une atmosphère. Donc tu peux faire de la pop à 22h, les gens qui, ou de la folk, les gens qui viennent pour ça, qui ont une démarche, après ils retourneront faire la bamboule, la bamboche, peu importe. Mais... Et ça, c'est ce luxe-là dans cette salle, de pouvoir, ce qu'on ne pourrait pas faire en plein air, de voir, d'avoir ce genre de programmation, de musiciens ou musiciennes, où on peut aller sur des sentiers un peu différents que des festivals plein air, quoi. Et Gaspard Claus, moi, ça fait longtemps que je lorgne sur ses projets. Et donc, voilà, je suis friand. Là, c'est de la musique, les clips sont assez cinématographiques. Alors, ils sont faits un peu de façon amateur, mais t'as des images de mer, t'as des images de paysages, t'as des, y a une ambiance qui, Ouais, vraiment, vraiment, sa musique est comme ça. Et je pense que ça va être captivant sur le assis, là, on va être tous bouche bée devant la musique, quoi. C'est vrai qu'il y a cette ambiance dans l'Institut. Dès qu'on s'assoit, il y a déjà l'écoute. Et l'écoute est là d'emblée. Donc pour les musiciens, ça doit être assez confortable aussi. Bah ouais. Et puis c'est, rappelons-le, la salle de l'Institut, c'est la salle du conservatoire. C'est la salle qui, normalement, accueille des musiques classiques, pas forcément amplifiées, très rarement. Et moi, il y a des artistes comme Binox, des Hollandais, des artistes comme Daou, les Flamands, où c'est des genres d'instruments avant, mais qui arrivent à sortir du classique tout en lorgnant là-dessus. Et voilà, je demande qu'à découvrir davantage de musique comme ça pour abonder dans ce genre de musique dans le cadre de ce festival-là. Alors, si vous êtes fatigué, vous allez à l'Institut. Vous commencez donc le vendredi avec Nadine Khoury à 19h15. Vous dormez un petit peu. Vous vous réveillez pour Gaspard Claus. Vous vous rendormez. Et vous vous réveillez à nouveau vers 23h avec, alors là, quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est Édouard Ferlet, pianoïde. On n'est pas exactement dans la même ambiance, mais on n'est pas loin quand même. Alors lui, c'est un pianiste à la base, et là, il a un projet particulier, pianoïde. En fait, il vient avec deux pianos à queue, dont un qui est géré par des algorithmes. Et sur le deuxième, sur lequel il joue, il improvise et il compose sur les algorithmes. Et ça, c'est assez fort. Et lui, alors il a marqué Paris, là, mais il est plus proche maintenant de Vendôme. Il n'est pas très loin entre Vendôme et Le Mans. Il habite dans le coin. Il ornait sur le festival depuis pas mal de temps. Et j'ai trouvé le projet en soi insolite. J'ai écouté, j'ai vu des vidéos. Voilà, c'est le genre de projet aussi où on y va. Et le piano a toute sa place à l'Institut. Ce que j'entends comme composition, c'est assez singulier. On avait accueilli il y a très longtemps un pop-up Mécanique Cantatique, qui était quelqu'un du sud de la France qui improvisait aussi également et qui passait, qui était sur un piano préparé et qui faisait des choses assez extraordinaires. Il a disparu de la circulation et là il y a un autre gars qui fait la même chose que lui, qui est en train de casser la baraque en France, mais que je trouve beaucoup moins doué. Et pianoïde, il est en train de, voilà, il apporte sa touche qui a sûrement été déjà faite ailleurs, mais voilà, c'est ce que ça prolonge ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le projet m'a touché de par sa singularité, de par la façon dont joue le pianiste, et puis après le lieu se prête à ce genre de choses. Quoi. Voilà ma sélection pour le vendredi. Las, on commence, Nadine Khoury, Pip Blom, évidemment, surtout. Gaspard Claus, Édouard Ferlet, et là, à ce moment-là, le programmateur qui est à ma gauche me dit, mais il a oublié, donc qu'est-ce que j'ai oublié ? Moi, je parlerai de deux groupes. Il y a Meul, qui est un groupe tourangeau, qui réunit un trio, c'est deux batteurs, et au centre, un clavier modulaire. C'est du croc-croc, un peu, alors avec un soupçon d'électro, parce que les nappes du clavier modulaire font que ça part en transe. Et ça, c'est vraiment un groupe de la région qu'on suit, qui est vraiment un groupe bon, qui est en train de prendre. Plus ça va, plus ça devient un peu. Au départ, c'était vraiment millimétré comme du croc-croc, donc vraiment rien de dépassé. Et là, c'est en train de sortir un peu de ces trucs, c'est en train de transpirer à droite, à gauche. Et c'est un musicien qui a joué avant avec la chanteuse de Krenoka dans Tevani. Il est dans d'autres projets aussi plus contemporains. Il est, c'est, je me souviens plus de son prénom, mais bref, c'est quelqu'un que je suis personnellement parce que ses projets sont protéiformes. Là, c'est plutôt un projet un peu plus standard par rapport à tous les autres qu'il a actuellement. Mais il y a vraiment une patte à lui et il y a une patte à eux surtout. Et voilà, moi je suis content de et puis surtout, on va aller faire jouer en dernier à la scène nationale. Et plaisir de promouvoir un groupe de la région qui va, je l'espère, mettre une claque aux gens. Quoi. Vous avez bien compris, si un jour vous voulez être programmé à Hop Hop Hop, il suffit d'aller voir Mathieu Dufaux et dire bonjour, on fait du krautrock qui transpire. Et là, vous avez peut-être une chance. Vous vous reposez un petit peu le vendredi soir. On va passer au samedi. J'ai relevé 4 artistes, à mon avis, à ne pas louper ce samedi-là. Et tu vas nous dire aussi qui j'ai oublié après. Moi, je commence à 16h45, avec une artiste assez singulière qu'on croit qu'on peut mettre dans une case assez aisément, peut-être folk, peut-être un peu atmosphérique, et qui nous glisse entre les doigts tous les deux morceaux. Et ça, je trouve ça assez réjouissant. C'est Emily Zoé et ce sera à l'évêché. Alors Emily Zoé, moi j'ai le même coup de cœur, mais pour des raisons similaires, voire un chouïa différente, que Laetitia Sheriff. Voilà. C'est-à-dire que c'est un projet qui me, dès le début, dès qu'elle a commencé, que j'ai suivi, qu'on a programmé à l'Astrolabe. Il y a sur scène, entre les 10 sont magnifiques, comme les 10 de Laetitia Sheriff, et sur scène il se passe encore autre chose. Et effectivement, comme tu le dis si bien, notamment sur l'album, qui peut être un peu planant, calme, plus moins rock que le précédent, mais vous allez voir sur scène, il y aura une tension permanente. Ils sont que deux. Il y a déjà un sur l'album, cette tension, ça bouillonne en dessous. Ouais. Hein. Mais ils sont que deux, ouais. Et sur deux, ils arrivent à développer une énergie, elle comme le batteur. Et voilà, moi, elle a fait un album avec le chanteur de Young Gods aussi, il y a pas très longtemps, qu'ils n'ont pas défendu sur scène. Elle est sur un super label où, dans lequel il y a plein de groupes. Il y a Cold Guns, il y a d'autres artistes, qui est un label suisse vraiment que je vous invite à fouiner parce qu'il y a vraiment des belles choses. Et voilà, ces genres d'artistes, je pense que c'est quel que soit, dis-moi, au nom d'Emily Zoé, hein, pas les autres projets, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on suivra et qu'on aura envie parce que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur dans le club de l'Astro. Et quand on m'a dit il y a un nouvel album. En fait, c'est des genres d'artistes qui me fait plaisir de passer à Pop-Up parce que je l'espère, elle va jouer devant plus de monde que dans le club, mais même s'il y avait du monde, et se faire connaître d'un plus grand nombre. Même Laetitia Sheriff qui a 10-15 ans de carrière en soi, mais même à Pop-Up, elle croise un public différent parce qu'il y a des gens qui viennent, comme plein d'autres, découvrir, quoi. Et c'est le genre d'artistes que tu as envie de dire à tout le monde, allez la voir, quoi. Voilà. Bon, alors si on a le même, elles sont forces et suissesses, puisque Black Sea Daus avait été une grande claque dans Pop-Up. Encore une suissesse, donc Emily Zoé, ce sera donc le samedi 16h45 à l'évêché. Another start of the day, and I hope. la musique à la fois aérienne et déchirée et pesante, parfois d'Emily Zoé. Ce mélange qui fonctionne si bien sera, et ce Save the World, j'espère, qu'on vient d'entendre, sera également à l'affiche d'Opopop, dont on décortique et qu'on scrute la programmation ce soir pour cette édition d'Opopop qui se tiendra vendredi et samedi prochain à Orléans avec le programmateur Mathieu Dufaux. Voilà quelqu'un qui revient, 16h30, 17h, j'écris comme un porc. 17h15, 45 minutes, ça sera à l'Institut, ça lui va bien, c'est Miss Parrot. Alors moi j'ai une histoire un peu particulière avec Miss Parrot, puisque j'étais fou amoureux de son premier album et de ce qu'elle faisait. À l'époque de sortie du premier album, le jour de la sortie, elle était dans les studios et elle chantait a cappella, donc ça c'est un grand souvenir. Je dois avouer que je l'ai un peu perdu sur les suivants, où son côté un petit peu je chante en français électro, je trouve qu'elle s'est un petit peu perdue, et je suis assez curieux de voir ce qu'elle va défendre là sur scène. En tout cas, elle a une voix et un univers qui n'appartient qu'à elle. En fait, elle va défendre les compos de son premier et deuxième album pour l'instant. Elle a fait une longue pause. Le deuxième album, elle l'a sorti, mais elle l'a pas défendu sur scène. C'est son choix. Après, elle a vécu sa vie. Et au bout de quelques années, on l'a croisée il n'y a pas très longtemps dans le cadre de la résidence de transmission, un autre projet qu'on verra à Opopop, où elle était là en tant que spectatrice. Et moi, c'est une très bonne amie. Et elle a sollicité Fred et dit, bah tiens, je vais là. Et puis j'ai envie de me remettre à la musique. Là, j'ai envie vraiment. Si elle a arrêté, c'est qu'elle a envie de faire une pause. Donc là, elle a envie vraiment. Elle me dit, j'ai envie de faire des lieux, des salles en France que j'ai bien aimé. Vraiment, pour l'instant, c'est, elle appelle ça l'intime tour. Donc là, elle nous a dit, elle va reprendre des morceaux de son premier et deuxième album, qu'elle va arranger autrement. Elle va être toute seule sur scène. Elle va sortir effectivement, elle a prévu de sortir un troisième album, dont je connais aucun morceau. Mais voilà, et quand elle nous a dit ça, Marion, on a une histoire, nous, avec Mesparo à l'Astrolabe, on l'a fait plusieurs fois. Notamment, je me souviens d'un concert magnifique en première partie d'Yael Naïm au théâtre d'Orléans. C'était fabuleuse. Ouais. Et puis, un morceau où elle avait donné une carte blanche, où Marceau Piano Chat avait joué avec Burriers, qui est un artiste formidable anglais. Bref, plein de choses. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cet artiste. Donc, effectivement, elle nous dit ça, on appuie sur play, on y va, on signe, il n'y a aucun problème, on est content de la revoir, on est content qu'elle reprenne goût à la musique, parce que c'était pas forcément gagné, puis après elle fait le choix qu'elle veut, et voilà, on va la soutenir, elle va venir un petit jour en filage avant Opopop, histoire de fignoler certains trucs, mais voilà, content, et je pense que plein d'Orléanais et Orléanaises vont être contents de la revoir, parce qu'elle a marqué des gens, quoi. Moi, en premier lieu, c'était vraiment pour moi une révélation absolument magnifique. Je vous invite à aller sur le site On The Rocks dans l'onglet émission spéciale. Vous allez retrouver les interviews. D'ailleurs, l'interview avec Piano Chat et Burriers, mais les interviews aussi de Marion Miss Parrot seule. Je suis très très heureux de l'entendre à nouveau. Voilà, donc ça sera à la salle de l'Institut. Ça s'y prête. 16h30, 17h15 et ce sera donc le samedi. Bienvenue à nouveau à Miss Parrot. Toi, tu n'as pas repris goût à la danse classique? J'ai arrêté la danse classique, ouais. J'ai des problèmes de cheville. De cheville. On me l'avait dit. On my way to the cliffs, I met an old man. Tall, smart, pretty, bright, a real gentleman. We shared a few words, well, it thoughts ain't far. Then suddenly rang a bell. It's hard on my I followed his road, staring at the horizon, where I could nearly read his past and storyline, as the sun was turning the sea into a blank mirror of lies. Voices coming from the sky were telling me to die. Oh, maybe the curtain clouds convincing me that I could fly. Oh. is a lie. Dans les onglets émissions spéciales dans The Rocks, vous allez pouvoir retrouver les deux interviews, trois interviews même, que m'a accordé Miss Paro au début de sa carrière, qu'elle relance donc lors de ce festival Hop Hop Hop. Et puisque vous aimez les frissons et les voix qui font voyager, eh bien, vous n'allez pas être déçu. Alors, la découverte, ça, je ne connaissais pas avant que ça soit programmé à Hop Hop Hop. J'ai posé l'oreille dessus et c'est très, très singulier et ça m'a beaucoup plu, c'est Jawar. Alors là, grande découverte. Alors comment vous expliquer Jawar? Tu vas le faire sûrement mieux que moi, puis on va passer un morceau derrière, ça va peut-être éclairer tout le monde. Il est belgeo-tunisien et il chante en arabe. Et on peut parfois retrouver dans ses musiques un peu de Nick Drake, un peu de Tinder Sticks, un peu de... Je sais pas, Belin aussi dans la voix. Ouais, un peu de Belin, pas les gâteaux, le chanteur. Et donc c'est une magnifique découverte. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner sur scène. Mais il y a du coffre, il y a de l'ambiance, c'est à l'Institut et j'aurais pas vu ça ailleurs. C'est 20h15, 21h15, 1h avec Jawar, c'est le samedi. Et tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Bah, t'as fait un peu la synthèse de l'artiste, c'est-à-dire que c'est un trio qui est mélange folk et musique arabisante. Lui, il a une voix. Alors, il a la voix dont tu parles. Tu t'as parlé des Tinder Sticks. On peut parler de Belin, on peut parler pas mal d'artistes. Mais il a aussi sa patte parce qu'il chante en arabe. C'est un mélange de folk et de musique arabisante. C'est intimiste, mais en étant captivant. Parfois, ça s'électrifie, mais tout en raison. Moi, il y a un truc qui s'est passé vraiment, vraiment captivant. Qui est improbable au départ et qui fonctionne parfois. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont essayé ce genre d'alchimie. Et soit c'est... c'est surproduit, et là je trouve que c'est épuré, tout est bien, en tout cas comme j'aime bien, la production est bien réalisée, elle respecte l'intention du bonhomme, et c'est super beau. Ouais. Jawar, je vous conseille ça, je ne l'ai pas vu sur scène, mais en tout cas l'album m'a enchanté. 20h15, 21h15, ça sera à l'Institut. يا جسي بيت اللي بيت اللي تسافر بيه نشوف وفكار وتفيد بيت مريض بيت مريض وشالد من وستاد الريح بيت جريح الريح تميل وسفاين بيه ايام تزيد شكون حبيت شكون حبيت وسافر بيك اليوم Jawar, lui aussi sera en interview dans The Rocks, personnage très intéressant qui vient du théâtre, qui vient de la littérature, qui vient de la poésie très onirique et qui en fait un petit peu sa sauce et sa soupe. Eh bien, vraiment, j'ai hâte de lui poser des questions à ce jeune homme. On retourne vite avec Mathieu Dufaux pour décortiquer la suite de la programmation du Festival Hop Hop Hop qui se tiendra vendredi et samedi prochain à Orléans. J'étais rapide. Et maintenant, mon quatrième choix pour le samedi. Là, c'est juste programmé par Mathieu pour tester mon endurance de jeune quinquagénaire, puisque ça a été programmé à 00h15, Mathieu, tu sais quel âge j'ai. 00h15, 1h du mat. Mais alors là, j'y serai. C'est Alessane Barreau, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est au théâtre, et c'est un groupe qui, moi, m'enchante. Alors, le dernier album m'a un peu surpris, puisque l'album qui vient de sortir, alors, il s'appelle Kiwi Junior, ils sont canadiens. Les deux premiers albums étaient vraiment fantastiques, d'une sorte de pop, power pop rock frais et qui se pose pas de questions et en même temps des morceaux imparables. L'album qui vient de sortir est beaucoup plus psyché presque avec des synthés un petit peu plus 80s aussi, mais vraiment Kiwi Junior sans la ramener, ils ont réussi à pondre des morceaux ces dernières années qui sont absolument imparables. Et eux, ça sera donc à la salle Barreau, ça sera 00h15, 1h du mat et ça s'appelle Kiwi Junior. Alors c'est marrant parce que c'est moi quand j'ai découvert sur les premiers albums, ça me faisait penser à certains morceaux de Pavement dans la construction des morceaux et d'autres après sont devenus plus mélodiques. Après on a l'impression d'entendre aussi du Franz Ferdinand sur certains morceaux. Là le dernier album je l'ai écouté deux fois pour l'instant, je pense qu'il faut que je l'écoute davantage parce que j'ai pas eu la même accroche que les deux premiers albums. Vraiment pour être sincère. Après, j'imagine qu'ils vont jouer quels que soient les morceaux. Et puis, je suis de manière, il y a aucun regret là-dessus. Mais c'est vrai que quand on l'a Kiwi Junior, ça fait 3-4 ans qu'on essaye de les faire. Et puis, comme ils sont au Canada, du moins 3-4 ans depuis le Covid qu'on essaye de les faire, ils n'ont jamais pu venir. Donc, si on les avait fait il y a 2 ans, on aurait été dans les précédents albums. Là, ils ont le temps de produire et de créer. Tant mieux pour eux. Voilà, c'est du rock. Là, le deuxième album, c'est des tubes. Il y a certains tubes, il y a vraiment une voix aussi intégrée, ouais, qui fait penser à Franz Ferdinand à certains moments. En moins produit, en moins, voilà, c'est plus fin, j'allais dire. Les constructions des morceaux, certains morceaux sont plus surprenants. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont vraiment surprenants, qui sont pas couplés refrain et qui peuvent être des structures plus surprenante en tout cas à l'oreille et d'autres qui sont plus tubesques qui me font plus penser alors à Franz Ferdinand sur le sens tube du truc. Et là le dernier il y a un ou deux tubes quand même et après il y a ça demande à vraiment écouter et c'est moins efficace quoi. Mais ce qui n'empêche pas que sur scène on va sûrement se prendre une claque et je pense que tu n'es pas le seul et moi y compris à vouloir les voir. Donc je vous invite à venir tôt. C'est une salle qui fait 500, mais voilà, il y a plein de gens qui veulent les voir. Donc voilà des artistes que je défendais depuis quelques mois avant la programmation de Pop-Up et dans The Rocks, et je suis ravi de les voir. Pete Blom et Kiwi Junior, donc, qui clôtureront, c'est eux qui ferment, sur la scène Barreau, c'est ça c'est les derniers. Il y a quelque chose après vous? Non, il n'y a plus rien à dire ça. Donc, 00h15, 1h du matin. Physique de prof de maths et pourtant enregistrer des albums absolument réjouissants. Eh bien oui, c'est le cas du chanteur de Kiwi Junior qui seront en clôture du festival Hop Hop Hop. Je vous conseille vraiment les deux précédents albums. Le dernier album, voilà, c'est un peu moins mon truc, mais vraiment, j'ai hâte de voir ça sur scène et normalement peut-être aussi une interview de Kiwi Junior. Merci à Mathieu Dufaux d'avoir permis cette interview et donc à venir dans The Rocks, si tout va bien, des interviews d'Emily Zoé, de Jawar, qu'on a entendu ce soir, de Pip Blom et probablement de Kiwi Junior. Nous allons clôturer cette émission avec la dernière partie de l'interview de Mathieu Dufaux et ensuite ça sera enchaîné avec encore un morceau d'Edouard Ferlet qu'on s'est passé tout à l'heure, Air on the J String, enchaîné avec Regina Spektor et son Raindrops, et puis si on a le temps, Alex FS et Regina Spektor encore avec un petit duo dans The Rocks. La semaine prochaine, il y aura une interview de diffusion d'une interview du grand, bah, du grand, je me comprends, Little Bob. Ciao, bye bye et à la semaine prochaine, et puis rendez-vous dans les allées de Pop Pop, j'aurai mon petit micro. Et donc là, c'est ma sélection. Donc pour le samedi, Emily Zoé, Miss Paro, Jawar, Kiwi Junior. Qu'ai-je oublié ? T'as oublié un truc qui nous tient à cœur, une création qui nous tient à cœur, qui s'appelle Transmission, qui a été réalisée à l'initiative de Fred, parce que vous n'êtes pas ceux qui sont déjà venus à Pop Pop. Vous avez vu une cabine téléphonique qui est venue de la Nouvelle-Orléans, qui a été construite en l'état, puisque la Nouvelle-Orléans est jumelée avec Orléans. Et une fois qu'on avait réceptionné cette cabine téléphonique, l'édition 2019, qu'on avait fait venir des artistes, qu'on avait sensibilisé le public à l'utilisation de cette cabine, puisque c'est aussi un instrument à part entière en plus d'une cabine, on s'est dit maintenant qu'on l'a, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc on a fait une création en rassemblant les Rocomotives, notre festival Vendôme, qui est un festival qu'on aime beaucoup, avec qui on collabore énormément. Et on a nommé Lionel Lacarrière, qui est un musicien de Vendôme également, qui joue dans Gezir, qui joue avec Yann Tiersen, qui a joué dans Nestor Ibianca, qui est aussi technicien son, qui enregistre plein de trucs, quoi, qui est un musicien passionné. On lui dit, bah voilà, tu vas faire la DA de cette création. Et donc, on a échangé tous ensemble. Il a rassemblé Joe Desekiel aux machines. Il a rassemblé James Pionnet, qui est un Anglais qui joue dans Burriers, justement. Lui qui scande, qui est une voix un peu scandée, un peu slam, limite hip-hop, avec une écriture en anglais qui est merveilleuse et qui écrit très très bien. Et puis, viennent se greffer des featuring, c'est Benjamin Nero qui joue dans le dernier Ezekiel, qui a une voix assez graveleuse, vraiment, et puis un joueur de Bayade, et puis un autre gars qui est un Allemand, et ils ont fait tout ça autour de la cabine. tout ça autour de la cabine. Parfois, la cabine est utilisée puisqu'il y a forcément un haut-parleur et un téléphone. Donc, on chante dedans. Il y a aussi des textes qui sont liés à la transmission d'informations, tout ce qui est ce que peut envoyer une cabine téléphonique. Et eux, ils sont tout autour. Le public sera tout autour. Ça sera dans une des salles du théâtre, la deuxième, la salle Antoine Vitesse. Et l'album est sorti, vous pouvez le consulter là sur les plateformes. Le vinyle et CD va sortir dans pas très longtemps sur Figulirme Records, donc une production vraiment régionale. Moi, j'ai vraiment écouté. C'est vraiment le résultat, il est magnifique. Je suis allé dans la dernière période de création. Ça a super bien fonctionné. L'entente humaine et musicale, c'était pas gagné, mais c'est des gens qui avaient envie de bosser l'un avec l'autre, mais tant qu'ils n'avaient pas fait la démarche, ils pouvaient pas savoir si ça matchait. Et ça, transmission, ça joue une fois le vendredi et deux fois le samedi. Ça va être une jauge de 250. C'est à la salle Antoine Vitesse au théâtre d'Orléans. Au-delà de la scénographie, c'est musicalement, c'est super chouette. C'est assez entre ce que peut renvoyer Burriers, si vous connaissez Burriers, mais avec plus de nappes électriques et moins de... Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de batterie, il n'y a que des claviers et des machines. Ok, bah merci pour ce conseil. Vendredi 16, samedi 17 septembre, on peut s'enorgueillir d'avoir un festival comme celui de Pop-Up, je te le dis mon cher Mathieu, parce que c'est une vraie, vraie richesse et pour les artistes et pour les spectateurs. Un billet et vous rentrez soit sur une journée, soit sur les deux, une journée au choix, soit sur les deux. Et pour le prix du billet, qui est quand même pas excessif, vous voyez beaucoup, beaucoup d'artistes absolument fabuleux et vous en découvrez surtout beaucoup d'autres, c'est le but du jeu. Donc merci pour ça, et là il y a vraiment quelque chose qui nous met en appétit cette année. Quelque chose à rajouter, monsieur Dufault? Il se passe des choses, tu parlais de Popov. On a la chance d'avoir le Ponton comme partenaire qui nous ont proposé dès jeudi soir un blind test avec deux super bénévoles de l'Astro et qui vont tester tout le monde à la fois sur de la musique sérieuse et de la musique rigolote. On fait un brunch avec Avalanche Keto, qui est une autre surprise musicale que je vous invite, belge, que j'ai découvert en Belgique, qui est super. Et là, vous pourrez manger et écouter de la musique. C'est les deux passions de ma vie, quoi. Bienvenue au club, au bord de la Loire. Et puis le dimanche midi, pour le lendemain de veille, pour ceux qui repartent et qui veulent repartir le ventre garni, il y aura Boogers qui sera en DJ set, qui commencera à 13h et jusqu'à 23h, 10h de mix avec repas, et c'est pas la dernière, mais ça va être la fin de Pop-Up au bord de Loire, quoi. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Vendredi 16, samedi 17, et puis probablement des petites interviews à venir dans The Rocks post Hop. J'ai demandé Piplom, j'ai demandé du monde. On verra qui est-ce qui répondra à mes petites questions. Merci, monsieur Dufault. Merci, Manu. you don't know, but that's okay. You might find me anyway. Don't you know that I belong arm in arm with you, baby? In a town that's cold and gray, we will have a sunny day. Don't you know that I belong arm in arm with you, baby? Baby, I do not know where does it go when it goes. Suddenly though, everything's slow and I miss you so. Round each corner there's a chance. People searching glance to glance, moving about real fast like insects and fish when they're scared. And they sing the same old song, though it's been so very long. They sing raindrops falling on my head. But that's okay. You might find me anyway. Don't you know that I